Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, Ronald Reagan, farouche anticommuniste et dernier président de la guerre froide. Let us be aware that while they preach the supremacy of the state, declare its omnipotence over individual man and predict its eventual domination of all peoples on the earth, they are the focus of evil in the modern world. Ronald Reagan parlant de l'empire du mal communiste dans un discours célèbre de mars 83. Reagan déteste les communistes et sa présidence sera carrément belliqueuse à l'endroit de l'URSS. Les budgets de la défense exploseront sous sa présidence jusqu'à ce qu'il accepte d'entrer dans une dynamique de désengagement nucléaire de concert avec l'URSS à la fin de son deuxième mandat et à la toute veille de la chute du mur de Berlin et de la fin de la guerre froide. The Blue Sky, chanson de U2, et oui, vous êtes à Aujourd'hui l'Histoire. Chanson de U2 écrite pour dénoncer l'intervention américaine durant la guerre civile des années 80 au Salvador. Pour nous parler de la politique étrangère de Ronald Reagan, de son opposition farouche au régime communiste en URSS, mais aussi au mouvement communiste qui essaie de poindre partout en Amérique latine. L'historien collaborateur à Aujourd'hui l'Histoire, André Champagne. André, bonsoir. Bonsoir, Jacques Beauchamp. On va parler beaucoup de ce rapport de Reagan avec l'URSS dans cette émission, mais d'abord, commençons par la question de l'Amérique latine. Comment va se traduire cette chasse aux sorcières communistes de Reagan en Amérique latine? Ben, rappelons aux auditeurs qu'en 1978, les sandinistes ont pris le pouvoir au Nicaragua. Et la crainte qui se développe sous l'administration Carter, mais surtout sous l'administration Reagan, c'est que l'Amérique centrale bascule dans le communisme. Pourquoi? Parce que c'est clair qu'il y a une alliance immédiate entre le Nicaragua de Daniel Ortega et Fidel Castro. Et c'est clair que Moscou encourage le mouvement puis essaie de propager c'est la fameuse théorie du domino. Si le Nicaragua est tombé, il va entraîner avec lui le Costa Rica, le Honduras et puis probablement aussi le Salvador. Mm-hmm. Et les États-Unis, évidemment, à partir de l'élection de Reagan, vont vraiment tout mettre en œuvre pour essayer de contrer l'expansion du communisme en finançant ses opposants aux sandinistes de Daniel Ortega, qu'on va appeler les Contras. Et les Contras, ce sont tout simplement des combattants contre-révolutionnaires que Reagan va essayer d'identifier aux combattants de la liberté américains qui s'étaient soulevés contre l'Angleterre à partir de 1775-1776. Mmh. Il va même les comparer aux résistants français contre l'occupant nazi. Et ça va devenir une de ses causes célèbres. Le problème, c'est que l'aide aux Contras va risquer vraiment de faire tomber Reagan. Pourquoi? Parce que le Congrès s'opposera justement au financement des Contras. Et à partir du moment où le Congrès s'oppose au financement des Contras, pour vraiment continuer à les financer, l'entourage de Reagan, c'est-à-dire John Poindexter et puis Oliver North et puis Robert McFarlane, son conseiller à la sécurité nationale, vont tout simplement imaginer un stratagème incroyable où les États-Unis vont fournir des armes antimissiles aux Iraniens qui sont en guerre contre les Irakiens via Israël. Et on va même pousser l'audace jusqu'à essayer d'obtenir la libération d'otages américains qui ont été capturés par le Hezbollah au Liban. Tout ça, on essaie de maintenir ça dans le plus grand secret. Puis finalement, ça va éclater au grand jour en 1986 quand un journal libanais va vraiment relater l'affaire. Et c'est cet argent-là, en fait. Cet argent-là, de l'argent d'armes. Des contrastes. C'est de l'argent que les Iraniens payaient aux Américains via Israël pour ces armes-là qui étaient tout simplement remis au contraste. Donc, c'est là qu'on voit le côté vraiment teflon du président américain. Pourquoi? Oui. Parce que l'Iron Gate, c'est nettement plus grave que ce qu'avait été le Watergate. Et malgré ça, Reagan va terminera son deuxième mandat. Puis on saura, preuve à l'appui plus tard, que lui le savait, Bush, père, qui est vice-président à cette époque-là, le savait aussi. Il va nier catégoriquement pendant sa campagne présidentielle de 1988. Ouais. Bon. Voilà. Alors, parlons maintenant, parce que ce sera le gros de cette émission, du rapport de Ronald Reagan avec l'URSS. Le ton vraiment va être à la méfiance, à la défiance même. Écoutons cet extrait d'un reportage de Raymond Saint-Pierre en janvier 1983. Lorsqu'on lui demande s'il a gardé la même méfiance envers les Soviétiques, il répond que ces gens se gardent le droit d'être malhonnêtes pour défendre leurs idéaux, et c'est pour cela que les Américains veulent obtenir des accords vérifiables dans le domaine de la limitation des armes nucléaires. Si les Soviétiques ne bronchent pas, s'ils ne retirent pas leurs missiles braqués sur l'Europe, ils s'engagent à déployer les missiles Pershing et de croisière en Europe comme moyen de dissuasion. Pour lui, c'est le seul moyen d'amener les Soviétiques à négocier. Il a par ailleurs créé un comité spécial pour mettre sur pied une campagne de relations publique visant à convaincre les populations européennes du bien fondé des positions américaines. Parce que cette stratégie de la ligne dure face à l'Union soviétique, André Champagne, elle va être dénoncée. On l'entend dans la fin du reportage. Là, Reagan est conscient que l'opinion publique européenne est contre ça. Les Pershing, la guerre des étoiles, ça fait peur aux Européens. Il y a un mouvement pacifiste massif. En Angleterre, en France, en Italie, en Allemagne, on craint justement une guerre nucléaire. Pourquoi? Parce que les Soviétiques ont déployé une nouvelle génération de missiles, les SS-20, qui sont braqués sur toutes les grandes capitales européennes. Et en 1978, soit dit en passant, sous Carter, l'OTAN avait décidé de contrer ces missiles-là en déployant éventuellement les missiles de croisière et les missiles Pershing. Donc, c'est une décision qui avait été prise sous Carter et corroborée par l'OTAN. Et sauf que Reagan, une fois qu'il devient président, c'est que le ton est nettement plus belliqueux. Pourquoi? Parce que Reagan s'inscrit en faux contre la politique de détente qui a commencé sous l'administration Nixon, qui a été poursuivie sur Ford et Carter. Pour lui, la détente, ça ne fonctionne pas. Mm-hmm. La preuve, les Soviétiques ont envahi l'Afghanistan en 79. Les Soviétiques ont avancé leur pion en Angola, en Éthiopie. Les Soviétiques utilisent les Cubains en Angola et en Éthiopie. Donc, c'est clair que pour lui, la politique de détente ne marche pas. Donc, il ne fait pas confiance aux Russes. Et Reagan est également conscient que l'URSS, sur le plan économique, elle est exsangue, que l'URSS ne fonctionne plus. Et Reagan se dit, et ça, c'est ultérieurement qu'on va le réaliser, Reagan et ses conseillers arrivent à la conclusion que si on relance la course aux armements, on va forcer l'URSS à soit à suivre et à... On va les étrangler, en fait, économiquement. Oui. Exactement, ou à reconnaître leur défaite et à faire des réformes. Pourquoi? Parce que les Soviétiques n'ont pas les moyens de se offrir le canon et le beurre, ce que les Américains peuvent faire. Oui. Donc, toute sa stratégie repose justement sur la relance de la course aux armements. Sauf que la perception qu'on a de Reagan et aux États-Unis et au Canada et en Europe à l'époque, c'est qu'on le voit comme un président qui serait capable de déclencher le feu nucléaire. Et c'est pour ça qu'il fait peur. Mais ce qu'on va savoir également ultérieurement, c'est que le mouvement pacifiste, tellement important en Europe, et financé en sous-main par les Soviétiques. C'est un mouvement qui a été complètement noyauté. Et il y aura un slogan qui va être lancé par les pacifistes allemands, « Mieux être rouge que mort, better red than dead ». Donc, oui, acceptons finalement de passer sous la domination communiste, parce que l'alternative, c'est l'Holocauste nucléaire. Et Reagan, lui, il est convaincu que la meilleure façon de casser les reins de l'URSS, c'est justement d'augmenter considérablement. Avec ce discours vraiment très, très guerrier, par ailleurs, vous disiez, les Russes ne peuvent pas se permettre ça. Les Américains le peuvent, mais quand même, André, ça a un prix, là. Les budgets de la défense augmentent, explosent. Écoutez, c'est 178 milliards en 80, 292 milliards en 85, 368 milliards en 1986. C'est Avec des déficits. Avec des déficits, vraiment, les déficits sont hallucinants. Les déficits sont d'une grandeur qu'on n'avait jamais vue. Et ces déficits-là, écoutez, j'ai des chiffres ici. En 1980, c'est 73 milliards. En 81, 79 milliards. Mais attention, là. En 83, 207 milliards. En 85, 212 milliards. En 86, 221 milliards. Et en 88, 155 milliards. C'est des déficits records. Et pourtant, Reagan avait promis d'équilibrer le budget. Mais cette stratégie-là sera ultérieurement efficace. Oui, parce qu'effectivement, ça va commencer, il y aura un virage qui commence avec le sommet de Genève, un très court extrait d'un reportage de Francine Bastien en 1985 qui nous parle justement de cette rencontre de Genève. La première poignée de main, solide. Le premier sourire, cordial. Premier souvenir du sommet de Genève entre Ronald Reagan et Mikhail Gorbatchev. Un premier tête-à-tête qui devait durer 15 minutes se poursuit au-delà d'une heure. Donc, un petit 15 minutes qui se poursuit plus d'une heure. Et ça, c'est le début d'un changement de dynamique. André. Oui. Pourquoi? Parce que le contact passe entre ces deux hommes. Ils s'apprécient mutuellement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont se parler à cœur ouvert. Puis c'était probablement la première fois qu'un leader américain et qu'un leader soviétique faisaient ça. Et les deux s'entendent pour reconnaître que jamais la Russie et les États-Unis doivent se livrer une guerre nucléaire. Ça, c'est la conséquence qui... C'est la conclusion de cette première rencontre-là. Et on reconnaît de part et d'autre qu'il faut multiplier les rencontres, qu'il faut maintenir un dialogue, parce que il n'y avait pas eu de rencontre entre un leader américain et un leader soviétique depuis que Carter avait rencontré Brezhnev en 1979. Ouais. Donc, le dialogue est renoué. Et il faut dire une chose, c'est que Mikhail Gorbatchev, c'est un jeune leader qui n'a que 54 ans, et c'est un leader qui est parfaitement conscient que l'URSS, que l'économie soviétique est en déroute, est en banqueroute, et que des réformes sont impératives, mais que ces réformes-là, pour les financer, l'URSS doit réduire considérablement son budget militaire. Et ça va se faire par une série de rencontres. Et d'accord, là, on va s'engager concrètement dans cette logique du démantèlement de l'armement nucléaire. Et la rencontre décisive, c'est Reykjavik. À Reykjavik, en Islande, une rencontre qui dure deux jours. Il y a un moment où Reagan et Gorbatchev décident de prendre une marche ensemble en compagnie de leurs traducteurs réciproques. Et là, les deux se disent, tant qu'à réduire les armes nucléaires en Europe, pourquoi pas éliminer complètement les armes nucléaires? Et les deux semblent vraiment d'accord sur l'idée, sauf que Gorbatchev exige que les États-Unis cessent de financer le projet de guerre des étoiles que Reagan avait annoncé en mars 1983. Parce que les Soviétiques sont paniqués par le projet de guerre des étoiles, parce que les Soviétiques sont conscients qu'étant donné l'avance technologique américaine, possiblement que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, les États-Unis pourraient effectivement le constituer, le fameux bouclier nucléaire. Et qu'à partir du moment où les États-Unis... Parce qu'en un mot, cette idée-là, c'est de réussir à abattre les missiles soviétiques pendant leur phase ascensionnelle, au moment dans un scénario d'échange nucléaire entre l'URSS et les États-Unis. Ouais. Et à l'époque, la communauté scientifique américaine et européenne était très, très, très sceptique, mais la communauté scientifique soviétique, elle est extrêmement inquiète. Parce qu'on surestimait les capacités technologiques américaines, mais pour Gorbatchev, c'était un impératif. Il fallait que Reagan renonce à ça. Et étant donné que Reagan a refusé, l'accord est tombé à l'eau. General Secretary Gorbachev, if you seek peace, Monsieur le secrétaire général Gorbatchev, si vous voulez la paix et la prospérité pour l'Union soviétique et les pays de l'Est, si vous souhaitez une libéralisation, venez ici, Monsieur Gorbatchev, et ouvrez cette porte. Open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Abattez ce mur, Monsieur Gorbatchev. André Champagne, quel sera le rôle de Ronald Reagan dans la chute du mur de Berlin et l'effondrement du bloc communiste? Question fondamentale, question extrêmement intéressante. C'est clair que Reagan, avec la relance aux courses aux armements, a forcé l'URSS à faire des réformes. C'est clair que Gorbatchev a aidé considérablement en reconnaissant que l'URSS ne pouvait plus. maintenir cette politique-là. C'est clair également que sous Reagan, il y a eu une alliance avec le Vatican, avec Jean-Paul II, pour aider le syndicat Solidarité à continuer à œuvrer clandestinement. C'est clair également que c'est que Reagan, lors de ce discours-là, a invité Gorbatchev à ouvrir le mur. Soit dit en passant, vous savez que ce discours-là, quand Reagan a, parce qu'il a modifié le discours, c'est lui qui a écrit, Mr. Gorbatchev, Tear Down This Wall. George Shultz, son secrétaire d'État, n'était pas d'accord. Il est devant la porte de Brandebourg. Mais vous savez que George Shultz était contre cette phrase-là. Casper Weinberger était contre. La plupart de ses conseillers étaient contre. Et lui, il a dit non, c'est ce que je veux et je vais le dire. Étant donné cette formule-là, ultérieurement, on dira que c'est grâce à Reagan que le mur est tombé. Ça, c'est nettement exagéré. C'est sûr que, oui, il a contribué. Mais ce qui a entraîné la chute de l'Empire soviétique en Europe de l'Est, c'était que l'URSS n'avait plus les moyens de maintenir cet empire-là. Les réformes économiques mises en œuvre par Mikhail Gorbatchev, là on parle de la perestroïka et de la glasnost, supposaient justement une réduction du budget militaire et l'occupation des militaires de l'Europe de l'Est par l'URSS coûtait horriblement cher. Et c'est clair aussi que ce qui se produisait en Pologne risquait de se répercuter dans les pays du bloc. Parce que ce qu'on va voir finalement en 1989, c'est la fameuse théorie des dominos. Oui. Le mouvement va partir de la Pologne puis il va se rendre jusqu'en Roumanie entre mai 89 puis décembre 89. Mais ce qui s'est passé en 1989, c'est que Mikhail Gorbatchev a décidé de ne pas intervenir pour maintenir en place le régime d'Erich Honecker, pour maintenir en place le régime communiste en Pologne, qui avait été éjecté suite à une élection libre en 1989, au printemps 1989. Et à l'été 89, la Hongrie avait ouvert sa frontière avec l'Autriche. Mais Le mouvement était enclenché. Mais c'est clair que Reagan va profiter de cette conjoncture-là et ses partisans vont dire que c'est grâce à Reagan que les États-Unis ont gagné la guerre froide. Mais en réalité, l'URSS était moribonde. Et à partir du moment où l'URSS était moribonde, c'est clair que l'URSS ne pouvait plus maintenir son empire et que l'URSS, éventuellement, elle-même allait éclater sous le choc du mouvement des nationalités. André Champagne, un mot sur le Canada en terminant cette émission. La relation entre Ronald Reagan et le premier ministre Brian Mulroney, elle est excellente. Cette grande harmonie entre Reagan et Mulroney, André Champagne, ça va indisposer certains milieux au Canada. Au Canada, on va lui reprocher, jusqu'en 1993, cette amitié avec Ronald Reagan. Parce qu'ils sont vraiment amis. Ils sont vraiment amis. C'est le fameux sommet de Shamrock. Mais l'agenda de Mulroney avait besoin de l'appui de Reagan pour vraiment mettre en œuvre le traité de libre-échange avec les États-Unis. Le traité de libre-échange, qui soit dit en passant, avait été la conclusion d'une commission d'enquête créée sous Trudeau, la commission McDonald. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que quand Mulroney est élu premier ministre en 84, il se rend aux États-Unis, il fait une conférence, si je me souviens bien, c'est devant l'Economic Club, dans laquelle il commence en disant « Canada is open for business ». Oui. C'est qu'avec Mulroney, la politique vis-à-vis de Washington change complètement. Rappelons que sous Trudeau, la politique était plutôt anti-américaine. Trudeau avait invité les Américains qui ne voulaient pas faire leur service militaire pendant la guerre du Vietnam à venir se réfugier au Canada. Rappelez-vous la formule que Nixon avait employée pour décrire Pierre Trudeau, « assault, trou de cul », excusez l'expression, mais c'était ça. Ouais. Les relations s'étaient considérablement détériorées entre Washington et Ottawa sous la gouverne de Pierre Trudeau. Et avec Mulroney, virage vraiment complet. Soudainement, Washington et Ottawa redeviennent Les meilleurs amis. Et aussi, ce qu'il faut avoir à l'esprit, ce sont deux Irlandais Donc, il y a une espèce de sympathie naturelle entre deux Irlandais. Mais au Canada anglais, les médias vont toujours lui reprocher. Et une des raisons pour laquelle le vote conservateur va tellement s'effondrer en 1993, rappelons qu'ils sont passés de 211 à 2 députés en l'espace de 2 élections, c'est en partie pour justement cette espèce de flirt que Mulroney avait fait avec... Une trop grande proximité. Trop grande proximité. On y laisse une partie de notre indépendance. Exactement. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit également, et ça a été reconnu récemment par le gouvernement sud-africain, c'est Mulroney qui a convaincu et Reagan et Thatcher qu'il fallait réviser la politique vis-à-vis de l'apartheid et l'Afrique du Sud. Il y a quand même des avantages proche de la Maison-Blanche. Et pour Mulroney, c'était clair que le Canada avait besoin de l'appui de la Maison-Blanche pour justement faire accepter le traité de libre-échange. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, rappelons qu'au cours des années 80, l'humeur du Congrès était une humeur protectionniste. Oui. On voulait vraiment protéger le marché américain contre la compétition japonaise, allemande, mais également canadienne. Oui. Et c'était vraiment une priorité pour Mulroney d'avoir l'appui et pourquoi pas ne pas utiliser cette diplomatie personnelle. Oui. Et ce qui va, dans ce contexte-là, malgré tout, mener, parce que cet appui de Reagan, à cet accord de libre-échange qui est signé en 1988, soit dit en passant. Puis, parenté économique aussi, quand même, entre les deux. Deux hommes... Exactement. Mais puis deux hommes qui avaient... Bon, c'était deux conservateurs, sauf que Mulroney, c'est un conservateur vraiment plutôt modéré, un conservateur centriste, ce qu'on appelle les Red Tory. Mais c'est clair que, pour Mulroney, le contexte lui forçait la main. Il n'y avait pratiquement pas le choix. Mais il y avait une certaine sympathie vraiment naturelle entre ces deux hommes-là. Et la preuve, lors des funérailles de Ronald Reagan en juin 2004, Mulroney sera invité à prononcer un discours pour faire l'éloge funéraire de monsieur Reagan. Pourquoi? Parce que cette relation d'amitié s'était prolongée une fois Reagan retiré. Ouais. Et Brian Mulroney et son épouse sont restés des amis très proches de Nancy Reagan. C'est la relation la plus proche entre un président et un premier ministre, vous diriez? Je crois, oui. Je crois, oui. Que ça a été, il y a eu vraiment des atomes crochus entre les deux. Il y avait eu quand même une belle relation entre Pearson et Lyndon Johnson. Entre autres parce que Lyndon Johnson détestait John Diefenbaker, qui est le premier ministre conservateur. Mais je ne me souviens pas d'avoir vu un premier ministre canadien et un président américain aussi proches. André Champagne, historien, collaborateur régulier à Aujourd'hui l'Histoire. Merci André, toujours un plaisir. Merci beaucoup. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de l'émission, les recherchistes Caroline Morin et André Martineau, à la recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Louis-Pascal Loriot. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.